l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue. Truc de malade. Psychopathe. Truc de fou. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur. Voilà. Hey. Nos passaran. Grève générale. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Hey yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings? En direct. Bonjour, bonsoir, vous êtes en direct dans l'émission Au fond près du radiateur, 106.3 FM, fréquence Paris pluriel. Et comme tous les mardis, on fait donc cette émission qui a vocation de donner la parole à ceux qui n'ont pas. Et c'est un petit clin d'œil à la mise en scène qu'on a eue il y a quelques jours avec cette ultra-présence médiatique en fin de compte du chef de l'État, qui ne nous intéresse pas beaucoup d'ailleurs, puisqu'on a bien compris que la grève était illégitime, que les gauchistes occupaient de manière professionnelle les grèves. En fin de compte, ce discours-là, on le connaît, c'est le discours habituel. De la désinformation, de la manipulation. En tout cas, nous, on a essayé de faire que le réel soit écouté. Et on est passé régulièrement, notamment à l'université de Tolbiac, pour le coup, puisqu'elle est pas très loin, cette université. Et on a fait, en fin de compte, un reportage, c'était le mercredi, donc il y a une semaine. Donc voilà. Et pour dire que l'ambiance était à la fois chaleureuse, mais pas évidente, puisque régulièrement, les CRS cherchent à intervenir directement à la fac de Tolbiac. Le jeudi, donc, il y avait aussi la Sorbonne qui était occupée. Là, il y a eu une évacuation et vous pouvez voir, même chose, sur Internet, comment et de quelle manière les CRS interviennent ils fracassent et arrêtent des personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui est une des réponses de ce gouvernement. Il y a aussi la grève des cheminots qui continue, voilà. Il faut rappeler aussi que Rennes, si j'ai bien compris, a voté la grève, qu'à Montpellier, il y a toujours un mouvement social et qu'en fin de compte, on s'aperçoit que toute une série, ou pratiquement dans toute la France, les facs ont des AG, il y a des occupations. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé un peu de mettre en valeur par rapport à ce reportage. Voilà, on aura normalement un appel d'un jeune étudiant, voilà. Et après, on aura un second point. Donc, voilà, bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Donc, on est avec Mouloud. D'ailleurs, on ne s'est pas présenté. Salut Mouloud, ça va ou quoi ? Ça va, très bien, merci. Et ici, on est avec Robinson à la technique aussi. Salut Robinson. Ouais, salut à tous. Et moi-même, Raphaël, on attend aussi Imen et Costa qui vont pas tarder. Et comme tu disais, on attend aussi un coup de fil des étudiants de Tolbiac. Donc ce soir, on va faire un point sur le mouvement étudiant, vous l'avez compris, avec un reportage sur ce qui se passe à la fac de Tolbiac. Et en dernière partie d'émission, on aura aussi une camarade de Toulouse au téléphone qui va nous parler du Festival Autodéfense Populaire. Donc c'est la deuxième édition. Le Festival Autodéfense Populaire, c'est quoi ? Donc à la base, c'était un festival qui avait été mis en place par la CREA. La CREA, c'est quoi ? La CREA, c'est la campagne de réquisition d'entraide et d'autogestion. Donc c'est la CREA, donc c'est un mouvement d'occupation de bâtiments vides pour permettre à des personnes qui n'ont pas de logement de se loger pour réquisitionner des bâtiments par elles-mêmes. Et donc là, il y a un festival organisé par de nombreuses associations à Toulouse, dont la CREA, qui se tiendra à la fac du Mirail, qui est occupée depuis deux mois, il me semble, contre la réforme de la sélection à l'entrée de l'université. Donc on fera un point sur ce festival et sur la situation à Toulouse. Donc ça sera la dernière partie d'émission. Donc voilà, je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Tout de suite, on reviendra au fond près du radiateur. Mouloud, tu voulais te dire un truc ? Oui, c'est-à-dire que depuis dimanche, il y a des révoltes populaires, en tout cas dans les quartiers, notamment du Mirail et d'autres quartiers, suite au fait que la police a évidemment une présence très importante, notamment au travers de contrôles au faciès, et au fait qu'aussi une personne qui est détenue à Toulouse et morte. Donc depuis plusieurs jours, il y a des révoltes et des arrestations. Voilà. Donc c'est important aussi de le rappeler que la répression, elle touche Notre-Dame-des-Landes partout. En fin de compte, le gouvernement est en train de s'attaquer, si j'ai bien compris, un peu à tout le monde au même moment. Voilà. Donc on va faire une petite pause musicale et on revient en direct de Fréquence Paris Pluriel. Voilà. Baby, don't make me spell it out for ya. All of the feelings that I got for ya can't be explained, but I can try for ya. Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so fucking real. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket. Laying your body on a shag carpet. Ooh. You know I love you, so please don't stop it. It's like I'm Damn. You do. That's just the way you make me feel. You make me feel so good, so good, so good, so good. Yeah. So good, so good, so good. That's just the way you make me feel. Vous êtes bien dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis de 19h à 20h30. Voilà, c'est sur 106.3 FM, fréquence Paris pluriel. On est rediffusé tous les vendredis, voilà, de 7h à 8h30, pour ceux qui se lèvent le matin. Donc on les salue, on leur dit bonjour aussi. Et surtout, on a un Facebook où vous pouvez retrouver eh bien, nos anciennes émissions, aussi podcaster des choses et surtout voir un peu ce qu'on fait. C'est aussi une manière pour nous de poser aussi de temps en temps quelques photos de la réalité et on trouve ça pas mal aujourd'hui. Bah, c'est ça aussi, faire une émission amateur et militante. Voilà. Et donc on a fait un reportage sur Tolbiac. Et comme vous le savez, depuis plus de 3 semaines, c'est l'occupation à Tolbiac avec des AG. Il faut savoir qu'il se passe plein de choses intéressantes. Donc on s'est dit qu'on y va avec le micro cette fois-ci et on fait le point avec les grévistes. Donc on va vous faire passer ce reportage qui a été fait le mercredi il y a une semaine, désolé pour pas être très précis au niveau de la date. Et puis on revient après au fond près du radiateur. Merci de votre écoute. Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est FPP 106.3 qui vous parle. Essayez de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne haute fidélité. Tout d'abord, votre amplificateur doit être en position radio fond près du radiateur. Écoutez. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux me dire où est-ce qu'on est? On est à Tolbiac. D'accord, il est quelle heure? Attends, je regarde ça sur mon téléphone. Exactement 21h30. Alors tu peux me dire pourquoi vous faites grève? Globalement, qu'est-ce qui se passe à Tolbiac et tout? Bah écoute, moi je suis pas étudiant. En tout cas, je viens ici pour soutenir un mouvement de lutte. Et pour moi, les gens qui sont ici ne sont pas seulement là pour les étudiants, tout ça. Ils sont là contre tout ce qu'on n'aime pas, contre le vieux monde et contre toutes les choses contre lesquelles on lutte tous les jours. Et voilà, c'est les patrons, l'État et la police. D'accord. Voilà, et là, régulièrement, il y a des cars de CRS qui passent. Ouais. Et il y a toujours cette idée que peut-être qu'ils peuvent intervenir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah écoute, ils ont qu'à essayer, tu vois. Ils vont voir le niveau, le rapport de force qu'on produit. Et on verra, tu vois, qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, c'est comme à la ZAD, c'est pareil. Ouais. Tu vois, plus on leur fait peur, plus ils vont partir. Et voilà, c'est tout. Et des questions, c'est dans la journée, t'as écouté des discours, t'as fait quoi? Ouais, un petit peu, ouais, j'ai écouté, après voilà, moi je suis pas étudiant, je suis... On s'en fout. Je suis cuisinier, tout ça, je travaille et tout, voilà. Et ouais, j'ai écouté des discours des gens, après, moi ça m'intéresse, tu vois, après bon, faut qu'on passe outre le discours et faut qu'on agisse, tu vois, contre l'État et contre ce monde qu'on n'aime pas, tu vois, qu'on veut changer, quoi. D'accord. Donc t'es prêt à rester des jours entiers ici? Ouais. Après bon, je travaille, tu vois, j'ai ma vie. Ouais. Si j'étais étudiant, je serais là avec plaisir et tout, mais bon. En tout cas, tous les jours que je passe ici, ça me fait plaisir de voir que les gens, ils se bougent un peu et que c'est pas fini, quoi, que c'est pas... Donc c'est pas fini, il faut lutter? Ouais, il faut lutter, ouais. Il faut se battre, hein, c'est sûr. Hein. Et le dernier mot, c'est quoi? La grève. La grève, la lutte armée. Et voilà, il faut se battre. Okay. Battez-vous. Merci. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Tu peux te présenter vite fait? Je m'appelle Ilias Le Doré. D'accord. J'ai 22 ans. Vive la jeunesse. Comment? Et vive la jeunesse, exactement. Alors là, on est à Tolbiac. Exactement, ouais, Tolbiac qui est occupé depuis pas mal de temps. Comme d'autres facs sur Paris. Et voilà, enfin, moi je pense que c'est important d'être là. Je suis là, je suis pas étudiant moi en études supérieures, mais bon, j'ai pas mal d'amis qui y sont et je suis solitaire de ce mouvement parce que je trouve que que déjà la loi de Macron sur, l'entrée à l'université, sur dossier, tout ça, je sais pas. C'est pas ce qu'il faut, quoi. C'est comme une sélection à l'entrée, quoi. Bon escient, quoi. Enfin, moi, je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai pas tenu longtemps, mais j'ai été à la fac. Mais c'est justement parce que c'était un temps du savoir que je voulais avoir accès et j'avais un mauvais dossier à l'école. Et pourtant, j'ai été pris parce que c'était avant la loi de Macron. Et je pense que ça, c'est important parce que ça m'a permis d'apprendre des choses sur place. Et donc, moi, je serai toujours solidaire des gens qui se battent pour ça. Et voilà, même dans le contexte d'une occupation, quoi. C'est intéressant d'avoir un lieu où les gens peuvent interagir entre eux, peuvent se mobiliser, peuvent essayer de penser, de réfléchir autrement. Et voilà, je pense que c'est ces initiatives qu'il faut encourager. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as téléphoné il y a une semaine. C'est ça. Et toi, t'es étudiant, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis étudiant à Paris 1 et là on occupe Paris 1, c'est Tolbiac. Ouais, hein. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, Paris 1, P8, etc., c'est quand même des termes que tout le monde n'est pas habitué. Voilà, voilà. Donc c'est les universités parisiennes. Hein, bon. Et depuis, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui se passe, etc.? Parce que c'est une super ambiance, il y a quand même de la musique, c'est pas mal quand même. Ouais, bah ouais, de ouf. Depuis la dernière fois, on a eu quelques menaces d'intervention policière, notamment des pressions des flics un peu partout dans le quartier. Et là, ce soir, il y a encore une menace d'intervention policière. Ce qui paraît, il y aurait 20 fourgonnettes pas loin. Et je pense qu'ils veulent mettre la pression parce qu'ils n'oseront pas intervenir dans ce genre d'ambiance où là, tout le monde est vraiment très chill, enfin très, très à la cool, quoi. Et enfin, il y a du son, il y a de l'ambiance, tout le monde danse, tout le monde a sympathisé. On vient de faire une journée entière d'AG où on a politisé un maximum de monde, on a parlé d'un maximum... Un maximum de convergence des luttes, d'interfac, enfin voilà, les choses se goupillent, mais... J'ai vu qu'il y avait des cheminots, des postiers qui sont venus. Ouais, ouais, voilà, il y a eu Sudra, il y a eu les postiers, il y a eu les étudiants d'autres facs, enfin, il y a eu tout un tas de gens qui sont pas de Paris 1, quoi. Moi, j'étais très impressionné parce que là, on est dans la fosse, c'est comme ça qu'on dit à Tolbiac. Ouais, c'est ça. Et l'AG, elle s'est située à l'extérieur, il faisait beau. Ouais. Ouais, ouais. Et il y a eu plein de discours. Ouais, c'est une ambiance assez rare de voir ça. C'est pas en temps normal qu'on aurait eu ce genre de rassemblement de gens qui se côtoient pas forcément, qui se croisent sans se parler dans la fac et là qui parlent de choses sérieuses quand même, parce que c'est pas ouais grosse soirée demain soir, blablabla, c'était quand même... grosse soirée, ouais, voilà. Et c'est quoi les choses sérieuses en quelques points? Les choses sérieuses, bah, on a parlé d'action beaucoup, de convergence des luttes vu qu'il y a eu des postiers, des cheminots, donc on a parlé de ce qu'on pourrait faire en commun, des occupations, des manifestations, plein de rassemblements. Mais, et est-ce que le fait que les cheminots ne lâchent pas l'affaire, ça donne envie de continuer la lutte et encore plus? Bien sûr, bah bien sûr, ça met du baume au cœur honnêtement, hein, de voir qu'on n'est pas tout seul dans notre coin reclus, de voir que c'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur et que les cheminots sont un peu à l'avant-garde de tout ça et ils nous boostent de fou. On s'entre-booste, vraiment, les étudiants soutiennent les cheminots nous soutiennent et on se complète plutôt bien. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait Act Up Paris qui était là, qui vous a soutenu, qui a fait un communiqué de presse. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses? Bah je pense que c'est très bien de voir les camarades d'Act Up qui ont toujours été très cool avec toutes les universités et en particulier avec Paris 1 mais avec d'autres facs, je sais qu'à Paris 8 aussi ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps de bons conseils et ils sont tout le temps, ils nous soutiennent de fou et ça fait vraiment plaisir quoi. Donc ça c'est quelque chose de large en fin de compte. Ouais c'est quelque chose de large et ça fédère pas mal de monde et c'est cool. D'accord. Alors si tu avais un dernier mot à dire, c'est quoi? C'est il faut faire grève, il faut militer, il faut se battre? Il faut se battre, il faut descendre, faire une grève générale, bloquer le pays jusqu'à ce qu'on obtienne nos revendications, jusqu'à ce qu'on arrive à prendre ce qui nous est dû au final. Quoi. Et tes revendications, rappelle-les quand même. Revendication, alors à titre étudiant, c'est le retrait du plan étudiant, mais on vise bien plus large, on veut la démission de Macron parce qu'on sait très bien que son plan social, c'est une aberration, ça vise à casser tout ce qui est service public, tout ce qui fait qu'on a un État qui réunisse des gens, tout ce qui fait qu'on a une communauté. Et donc on veut la démission de Macron, on voit beaucoup plus large, on sait ce qu'on veut faire après, on sait qu'on veut récupérer, se réapproprier notre système productif, notre système de diffusion du savoir, et c'est pas qu'une question de plan étudiant, c'est pas qu'une question de statut des cheminots, c'est bien plus large. Ok, alors grève générale et démission de ce gouvernement. Ouais, voilà, exact, tatouage, okay. Mais... Bah, bonne soirée. Merci. Et du coup, tu fais quoi, toi? Au fond, près du radiateur. Donc c'est à toi la parole, tu peux te présenter, deux secondes? Ben alors, salut, moi c'est Antoine. Voilà, et alors t'es à Tolbiac? Alors moi je suis à Tolbiac. Et je représente les non-représentés, c'est-à-dire les gens qui vont se faire expulser. Et donc je représente les mal logés, Voilà, je sais que c'est pas la mode, étant donné que c'est plus la trêve, mais les mal logés, ils sont nombreux en France. Et je représente cette voie-là, à la fac de Tolbiac. Et qu'est-ce que tu penses par rapport à ce mouvement, etc. Bon, j'ai plein d'espoir. Je pense que chaque mouvement, c'est une potentielle ouverture, une potentielle fissure dans un mur illogique. Une potentielle, on peut recouvrir le sens. Voilà, c'est une façon de recouvrir le sens. D'accord. Et alors il y a des gens qui demandent la démission de Macron, d'autres le retrait du projet de loi. Il y a plein de. Mais alors, au niveau du retrait du projet de loi ou de Macron, je pense que c'est pas important. Je pense que ces gens-là ne sont pas importants. Et que les noms changent, mais que les idées, ce système demeure. Et je pense que c'est ça qu'il faut déconstruire ensemble. D'accord. Alors le dernier mot, c'est quoi? Alors s'il y avait un dernier mot, ça serait je serais toujours au fond près du radiateur. Génial. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur. Donc là, on est toujours à Tolbiac, tu peux me dire qu'est-ce qui se passe? C'est une belle ambiance. Pour l'instant, c'est une belle ambiance, tout se passe bien. Les gens sont joyeux, il y a de la musique. Voilà, mais on perd pas le nord, voilà, on reste dans la lutte. On reste, voilà. Et tu peux dire un mot au fond près du radiateur? Dis au fond près du radiateur. Au fond près du radiateur, comme à l'école. Et surtout, on est à Tolbiac. On est à Tolbiac, et voilà. Et c'est la grève. Et c'est la grève. Et c'est la grève. Et apparemment, grève. Tu kiffes. La grève. Moi j'aime bien la grève, ouais j'aime bien ça. Donc il faut appeler les gens de faire grève. Ah oui oui oui, il faut appeler les gens à faire grève. Et moi j'attends la grève générale. Quand tout le monde se mettra en grève, et ben là on pourra changer les choses. Là, on pourra faire un point de pression sur le pouvoir en place et les faire bouger un peu là. Voilà. Bah grève générale alors. Grève générale. À fond. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux te présenter? Du coup, moi je m'appelle Marvin, je suis militant chez Acte Paris, association de lutte contre le sida. D'accord. Et donc on est à Tolbiac. C'est ça, à Tolbiac, à l'occupation et à la commune libre de Tolbiac. Et c'est quoi l'ambiance? C'est classe quand même, non? Ben, c'est super beau voir toute cette jeunesse contre cette réforme de la SNCF, contre la loi asile immigration, contre le projet de loi Vidal. C'est beau que cette jeunesse se mobilise. En AGS cet après-midi, on était presque 2000. Et c'est fou de voir autant de personnes aujourd'hui mobilisées. Autant, c'est super beau et ça m'émue. Donc 2000 personnes, c'était énorme. Je sais qu'il y a le risque à chaque fois d'évacuation, on nous parle des policiers. Là, il y a une heure, il y avait déjà des cars qui circulaient. C'est aussi ça la réalité de la grève aujourd'hui, c'est le risque de répression. Et là, tu es donc à Tolbiac et j'ai vu que tu distribuais des capotes. Tu peux dire quel est le sens pour ACT UP d'être ici, etc. Alors, il faut savoir qu'actuellement, ce soir, il y a la commission jeunesse d'ACT UP Paris. Du coup, le plus important pour nous, c'est de faire la prévention auprès de ces jeunes qui n'ont peut-être pas eu de cours d'éducation sexuelle ou pas assez, car l'État ne fait pas son job en fait. Moi personnellement, sur toute ma scolarité, j'ai qu'un seul cours d'éducation sexuelle et c'était en quatrième. Et du coup, là, on est là pour prévenir ces jeunes qui ne sont pas au courant des enjeux du sida. Du coup, avec plusieurs militants, on distribue les capotes pour sensibiliser. C'est comme ça qu'on dit, chérie. C'est ça, pour sensibiliser. Je suis désolé, je suis un peu ému parce que c'est super beau. C'est super beau cette foule qui fait la fête. Je m'éloigne un peu trop du sujet, mais on est ici à Tolbiac pour faire de la prévention auprès des jeunes qui n'ont pas eu peut-être d'éducation sexuelle, et du coup on prévient aussi ces jeunes qu'il y a des risques à faire l'amour, malheureusement. Et du coup, c'est pourquoi on est ici ce soir en train de distribuer des capotes. Alors Marvin, le dernier mot, ce serait quoi? Silence est également. Ouais. C'est un glauque, ma chérie. Et aussi, c'est la grève. Vive la grève, non? C'est la grève et vive la grève. Et il faut savoir qu'ACT UP Paris soutient cette grève, soutient les cheminots, soutient les étudiants. Et voilà. Vive la révolution. Bravo. Comment on arrête ça? Ouais, bonsoir à tous. On vient de s'écouter le joli interview de Mouloud. C'était très classe apparemment. C'est ça, Mouloud? C'est ce qu'on a entendu? Ouais, c'était un très beau moment aussi parce que les gens avaient de l'enthousiasme. Et je pense que c'est super classe aussi. C'est aussi ça de faire grève. On n'est pas là pour pleurer, mais aussi pour faire la fête, pour rencontrer plein d'autres gens. Et on s'aperçoit qu'effectivement, plein de jeunes étudiants, ils sont dans leur licence, dans leur truc d'étudiants, etc. Et d'un seul coup, ils découvrent plein d'autres gens. Et aussi, ce qui est intéressant, et je pense que c'est intéressant de le rappeler, c'est que qu'il y a d'autres âgés où on apprend plein d'autres trucs. Il y a des profs qui déboulent et qui font des cours aussi pour les grévistes. Ce qui est intéressant aussi dans ce reportage, c'est que tu as des salariés, plein d'autres gens qui, en dehors de la fac, interviennent et passent. Et c'est aussi ça l'idée, c'est que la fac, elle doit être ouverte à tout le monde, quel que soit son niveau scolaire. Ce serait pas mal aussi, voilà. Super, beaucoup d'émotions apparemment. On a écouté Marvin, Antoine. J'ai une question. On a eu. Bienvenue aux nouveaux invités. Trois étudiants, je ne sais pas comment on peut les appeler. Ouais, voilà. Okay. Ma question, c'est la suivante. Étant donné qu'il n'y a plus assez de place pour tout le monde dans les facs, en France, des questions de budget, à partir du moment où il n'y a plus assez de place pour tout le monde, est-ce que ce n'est pas plus juste que. Enfin, c'est un problème en soi, mais à partir du moment où il y a ce problème et qu'on ne peut pas le résoudre tout de suite, est-ce que ce n'est pas plus juste du coup qu'il y ait une sélection pour le peu de place qu'il y a plutôt qu'un tirage au sort? Le truc, c'est que le tirage au sort, il est très mauvais, et la sélection, c'est aussi très mauvais. En fin de compte, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que depuis pratiquement 1986, on est en train d'un parcours de sélection et de sélection. Et effectivement, la génération Lionel Jospin, c'était 80% du bac, mais pourquoi faire? Ma question. Mais si je t'ai répondu, la question, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. L'idée n'est pas de sélectionner, mais d'avoir la possibilité pour les gens de faire ce qu'ils veulent. Mais on est tous d'accord là-dessus. La fac n'est pas là-dessus. De reproduire un système de sélection et de triage au volet. On est tous d'accord là-dessus, sauf que la réalité... Tu le vois bien au niveau du droit, par exemple, où effectivement, sociologiquement, on a plutôt la haute classe sociale. Si tu vas à Sciences Po, tu as aussi... C'est un tirage au sort, donc franchement... Ceci. Mais le tirage au sort est discriminatoire, par définition. Et nous, on est contre, effectivement, la discrimination. Mais c'est ce qu'il y a en ce moment. La meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants, ils se battent pourquoi ? Contre la sélection, quel qu'il soit, et pour une ouverture de la fac. Voilà. Donc, c'est ça le mot d'ordre. Okay. Et aussi, c'est surtout de dire « ma vie m'appartient et votre vie vous appartenez ». Et c'est vrai, on ça est va d'accord à là-dessus. Logique le, on est d'accord de là-dessus. Macron, on est d'accord. Etc. Le point net que je voulais préciser, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus assez de place dans les facs, c'est ce qui est un fait. Alors, il faut ouvrir d'autres facs. On est tous d'accord là-dessus. Voilà. Sauf que ce n'est pas ce qui se passe. Oui, il y a alors, pas de budget. Là, on est, excusez-moi, après le débat, on est en direct et je pense que c'est Lucas qui est au téléphone. Ah, merde, on peut fumer là ? Ouais, bien sûr, vas-y. Du coup, t'es l'ami d'Anaïs ? On va faire une petite pause musicale et tout de suite, on va prendre notre invité qui est au téléphone. C'est une petite pause musicale. Donc, c'est Sham 69. C'est un vieux groupe de punk. C'est If the Kids Are United. Donc, si tout le monde était uni, on sera jamais défait. On connaîtra jamais la défaite. Voilà. Au fond, près du radiateur 106.3 FM. Bonjour, bonsoir. Vous êtes toujours dans l'émission Au fond près du radiateur, voilà. Et on a Lucas. Ça va ? Salut, ça va et toi ? Ouais, ça va, très bien. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'actualité de Tolbiac ? Bah, Tolbiac, toujours pareil, on occupe depuis 23 jours, nos revendications n'ont pas changé, à savoir le retrait, l'abrogation de la loi OR qui met de la sélection en fac, et on s'oppose au plan étudiant dans son ensemble avec une réforme de la licence qui est à venir, à la loi asile et immigration, qui est tout simplement scandaleuse et qui vise à créer une sorte de discrimination des exilés. Et on s'oppose plus largement au gouvernement et à sa société, à son monde. Bon, Lucas. Et donc la situation est bien, qu'elle est bonne malgré les grosses menaces d'intervention policière qu'on a eues cette semaine, donc notamment du lundi-mardi à vendredi. Et malgré ça, on a réussi à faire pression pour ne pas se faire déloger parce qu'on était trop nombreux tout simplement à l'intérieur et à l'extérieur, vu que plein de gens sont venus en soutien directement dès qu'il y a eu les sérieuses menaces, avec notamment 50 quarts de CRS autour de Tolbiac, 50 autour du Panthéon aussi, vu qu'on occupait le Panthéon jeudi dans l'après-midi jusqu'à 22h, ce qui est quand même, le Panthéon Sorbonne, ce qui est quand même assez rare dans l'histoire de la Sorbonne et qui n'était pas arrivé depuis quelques années, donc on était assez fiers et... Voilà, quand on a fait ça entre agitateurs professionnels, comme disait notre président, et ça marche bien. On a aussi organisé une soirée en soutien aux cheminots samedi soir, où là encore plusieurs milliers de personnes sont venues. On a récolté quand même 6 000 euros, voire plus, pour la caisse de grève des cheminots, pour qu'ils puissent poursuivre leur combat face à la réforme de leur statut, à la privatisation de la SNCF. Et alors, en fin de compte, aujourd'hui, c'est la situation de Tolbiac, c'est que vous êtes, c'est toujours occupé. Et explique-nous un peu, parce que c'est vrai que ce qui se passe, c'est que depuis une semaine, on a l'impression qu'à régulièrement, vous pouvez vous faire évacuer. Et quand je suis venu, c'est vrai qu'à chaque fois, on ne sait pas. Donc ça, c'est une réponse du gouvernement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À chaque fois, il y a une menace. Il y a une menace permanente qui pèse sur nous, qui vise à nous stresser un peu, à faire que le mouvement s'épuise, perde en souffle par la peur, ce qui marche pas du tout, parce qu'on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu ces menaces d'intervention policière, les gens sont venus très nombreux soutenir, que ce soit le mercredi où on a fait des communiqués disant qu'on allait probablement être évacués dans les jours qui venaient, et on a réussi à réunir à peu près 2000 personnes, je crois, dans la cour de Tolbiac, dans la fosse de Tolbiac, pour une assemblée générale interfac, interlutte. Et ou que ce soit le jeudi soir où là la menace était vraiment vraiment très proche, vu que je me souviens BFM titrait évacuation en cours de Tolbiac carrément, ils devaient avoir eu le mot d'ordre, ils devaient avoir eu le mot par le gouvernement que c'était le soir de l'évacuation, et où ils ont pas pu parce que c'était tout simplement trop dangereux de nous évacuer vu le nombre de gens qu'il y avait. Et au-delà même de cette menace policière, en fait il y a une autre menace un peu plus vicieuse. C'est une menace administrative, donc en fait ils nous coupent le courant, ils nous coupent le wifi, ils nous coupent le chauffage même. Georges Haddad, je ne sais pas si vous avez vu, c'est le président de la fac Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a dit que Tolbiac, c'était un lieu de violence, de drogue et de sexe, où il y avait même de la prostitution quand même. Donc il est parti très loin dans son délire. Et ouais, c'est clairement une menace administrative, une pression administrative. En plus, on organise des partiels, les partiels sont tenus, les partiels de langue et des aires culturelles, donc les matières un peu secondaires, qui sont maintenues. Et dans des conditions catastrophiques, vu que sur 21 centres, je crois, il y en a à peu près 18 qui sont fermés. Et que moi, bah là, je sors à l'instant de partiel, en fait. Et j'avais deux partiels à la même heure, quoi. Donc, en gros, j'ai pas pu me rendre aux deux partiels parce qu'on m'en a mis deux à la même heure, anglais et ma LV2 japonais, enfin, à la même heure. Donc, c'est organisé avec les pieds. On sait pas trop qui gère ça, mais c'est juste pour mettre la pression et que le mouvement se désagrège, quoi. Qui marche pas. Donc l'idée c'est effectivement de discréditer votre mouvement par tous les moyens. Le fait que vous puissiez vous auto-organiser, parce que moi j'y ai été plusieurs fois, c'est très intéressant puisque ouais. Vous faites des cours, il y a des conférences, il y a aussi le repas qui est organisé. C'est effectivement une fac qui est ouverte à l'ensemble des salariés ou des chômeurs. Voilà, ça va à l'encontre de toutes les normes, etc. Donc ça, ça convient pas, quoi, pour le dire simplement. Et toutes les attaques, que ce soit répressives ou même de la propagande de l'ensemble de la presse, qu'elle soit écrite ou grands médias, ça a un sens, c'est en fin de compte pour vous réprimer et voilà. Ouais, voilà, Ouais, il y a une vraie répression du système qui s'est mise en marche, et c'est pas seulement une répression pour faire passer des revendications, enfin pour faire passer des projets de loi, etc., pour pas qu'on les empêche de passer en force, quoi. C'est aussi derrière une critique d'un mode de vie autogéré, en auto-organisation, d'une mini-société qui s'est créée au sein de la société française, un peu, où on a nos propres règles de vie, nos propres modes de vie, où on arrive à vivre dans une certaine harmonie, en fin de compte. Et on voit que c'est exactement le même appareil répressif encore plus violent qui se met en marche, par exemple à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où là c'est carrément 2500 militaires qui arrivent pour déloger des gens qui pour beaucoup sont là depuis des années, ont construit des maisons et vraiment ils vivent, quoi. Et voilà, et donc c'est à peu près, enfin il y a un parallèle qui peut être fait entre les deux situations, et sachant que nous on est quand même des étudiants et la fac c'est censé être un lieu sacré et pas un lieu où on se fait attaquer, où on se fait menacer. On se fait menacer par la police, par l'administration, on se fait insulter de tous les noms, ou dans les médias, on nous fait passer pour des terroristes à la limite, enfin limite des terroristes avec des cocktails Molotov ou je ne sais quoi, où on fait passer les occupants pour des prostituées, etc. quoi. Donc ouais, vraiment, il y a une forte répression. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est que en plus, si on ajoute ce qui se passe à Toulouse avec la révolte des jeunes le dimanche, où il y a eu en fin de compte un contrôle aux faciès, et effectivement depuis deux trois jours, il y a des révoltes, des arrestations. On a l'impression que à chaque fois, tous les mouvements de contestataires, la réponse, elle est à un niveau de répression assez relativement élevé. Ouais, ouais, bah ouais, mais je crois qu'en fait, ils ont passé un cap pendant la loi travail, par exemple, en 2016. Et une fois qu'ils ont passé ce cap, bah, à tous les coups, ils ressortent le même appareil répressif, la même manière de réprimer les mouvements sociaux dans la violence et dans la pression, dans la peur. Et on va de plus en plus loin quand on voit le niveau des attaques et le niveau de vicieuserie, entre guillemets, on va dire. Et ouais, on a vraiment passé un cap, et une fois qu'on a passé un cap, c'est dur de revenir en arrière, donc je pense pas que ça se tasse, à moins d'un grand mouvement populaire et d'un soutien massif et d'un revirement de l'opinion publique, ce qui est très difficile quand tous les médias sont contrôlés par quelques personnes, quelques médiacrates, oligarques, qui ont des intérêts communs et qui sont à des années-lumière des intérêts du reste de la population, quoi, des gens lambda, des gens communs comme toi et moi et tant d'autres. Alors, est-ce que tu as des infos sur, parce que j'ai compris qu'à Rennes, il y a eu une AG où ils sont en grève. À Nanterre, il y a eu une AG, je crois que ce matin. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu sais aujourd'hui de l'actualité des autres facs? Aujourd'hui, j'ai pas pu trop suivre l'actualité parce que, comme je t'ai dit, l'administration met la pression aux élèves de Paris en ce moment. Mais en gros, le mouvement d'ensemble, de ce que j'ai pu en voir, c'est que il y a une mobilisation générale des étudiants et qui est de plus en plus puissante. Par exemple, Rennes qui est entré dans la danse avec des AG à 2500 personnes. Enfin, c'est quand même assez hallucinant, 2500 personnes en AG dans une petite fac. Enfin, à Rennes 2, c'est quand même impressionnant. Et c'est un peu partout, bah, comme tu as dit, à Toulouse, à Montpellier, etc. Et même à Paris, il y a de plus en plus de centres qui se bloquent, comme Nanterre qui a fait son AG, comme tu as dit. Et Nanterre qui sont d'ailleurs pris la police la semaine dernière. Mercredi, je crois, ou mardi, je sais plus trop, mais ouais, qui sont pris une intervention policière très violente. Ça a fini dans le sang, d'ailleurs, on a vu. Et ouais, c'est un mouvement qui s'étend à toutes les facs. Et à toutes les gares aussi, puisqu'il y a la gare du Nord, gare Saint-Lazare et gare d'Austerlitz qui ont voté la grève reconductible. Donc, en fin de compte, on assiste à quelque chose qui est beaucoup plus large que veut dire le gouvernement, avec un décalage où l'information est tellement censurée qu'on est dans une logique de gouvernement totalement aveugle, hors sol, un gouvernement hors sol qui veut, et qui envoie de manière extrêmement violente, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ce niveau-là. Je pense qu'on compare à Macron à Margaret Thatcher, donc ça dit quelque chose des années, début des années 80, où la seule réponse face à une grève de plus d'un mois et demi, 2 mineurs, a été un maximum de répression. Et on sait que le jour où ils ont perdu, malheureusement, eh bien, tout est passé. Et on a l'impression, je ne sais pas si c'est ton impression aussi, que tu partages, que si aujourd'hui, on n'est pas capable de faire arrêter, au moins faire une pause à ces réformes, on a l'impression que tout va passer. Oui, Ouais, bah ouais, moi c'est clairement mon impression. J'ai un peu, enfin pour moi j'ai l'impression que ce mouvement social qui prend peu à peu place et s'étend, bah c'est un peu la dernière cartouche qu'on ait avant de longues années, quoi. Avant au moins jusqu'en 2022 les prochaines élections présidentielles. Mais je me dis que si ça passe pas maintenant, enfin dans quel état seront nos forces en 2022 avec des médias de plus en plus contrôlés, enfin une population de plus en plus réprimée et de moins en moins de dialogue social entre les différents camps, les différentes positions. Donc bon, ouais, clairement c'est, enfin, il faut se mobiliser maintenant parce que je ne sais pas dans quel état on sera dans quelques années, quoi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les prochaines dates, ou si tu as une date à nous citer? Est-ce qu'on doit venir à Tolbiac? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement par rapport à Tolbiac, par exemple? On est prêt à suivre. Concrètement, je ne donnerai pas de date parce qu'il y en a énormément. Il y a des mobilisations dans toutes les facs un peu, mais ce que je peux recommander, ce que je peux demander aux gens, c'est de venir à Tolbiac, mais pas seulement, de venir à Saint-Denis, à Nanterre, de venir dans toutes les facs, ou s'ils ne sont pas de Paris, dans toutes les facs. Dans toutes les facs possibles, venir se renseigner, dans les gares même, rencontrer les étudiants, rencontrer les cheminots, dialoguer avec eux et se mobiliser ensemble. Et construire une mobilisation, venir assister aux différents cours alternatifs qu'on fait, aux différentes assemblées générales, aux différents comités de mobilisation, là où on organise un peu la lutte. Venir voir tout ça et venir nous soutenir et qu'on se soutienne les uns les autres, quoi. Alors, pour finir, c'est quoi le dernier mot? Parce qu'à chaque fois que je fais une interview, je le dis toujours, c'est quoi le dernier mot? Du mouvement social et vive la commune libre de Tolbiac. Bravo, et va suivre la commune libre de Tolbiac. N'oubliez pas qu'avec vos téléphones, vous pouvez aussi filmer la répression policière. Ça, très important, puisque effectivement, vous pouvez voir en direct live bien ce qui se passe. Et je trouve que ce qui s'est passé, je crois que c'était jeudi dernier, j'avais l'impression que c'était Tolbiac. Et en fin de compte, c'était la Sorbonne qui était envahie par les CRS. Bah, ça donne une indication très précise. Et effectivement, les pseudo-grands médias de Bouygues ne peuvent pas zapper complètement ces images. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'on fait de l'information. Et aussi, comme tu le fais aujourd'hui, c'est intervenir sur des radios indépendantes, militantes. Et ça, c'est un choix aussi qu'on l'a fait, comme tu le sais très bien. Et comme dirait Act Up Paris, information égale pouvoir. Donc, il faut vous informer et arrêter d'avaler... TF Naz, voilà. Et peut-être qu'on fait une pause musicale. Non, c'est juste pour dire, il me semble jeudi, c'est le 19, je crois, il y a une mobilisation interprofessionnelle, il y a une journée de grève interprofessionnelle, donc qui essaye de rassembler tous les secteurs. Je ne sais pas, Lucas, si tu en sais plus, si tu peux nous expliquer un peu. J'en sais pas plus, mais je sais juste que nous, on va se retrouver à Tolbiac pour faire un départ groupé dans la mobilisation après notre assemblée générale, quoi. Mais sinon, j'en sais pas trop plus parce que j'ai pas pu trop m'enseigner ces derniers jours. Ok, ça marche. Et on te remercie de nous avoir appelé. Bah, merci à vous de nous avoir laissé du temps d'antenne, puisque c'est de plus en plus important vu comment on est bridé par les autres médias, quoi. Bah, en tout cas, on vous souhaite de la force et on te dit à bientôt. On se voit là-bas ou on se voit dans la rue ou quoi. Yes, à bientôt. Vas-y, bonne soirée. Bah là, on va poser une... Et à tout à l'heure sur l'émission au fond près du radiateur, fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Cage, slam pit, you get crushed, you should know better, and now you stuck like you don't know where to go, go, make you a believer, chop you in the neck with a motherfucking meat cleaver, it's cool you can fool the kids, but you can't fool niggas that live the lifestyle, the lifestyle, the lifestyle, the lifestyle, everybody let's get dope, get dope, VIP in the disco, disco, what you drinking on Crismo, Crismo, light it up and get twisto, twisto, everybody let's get dope, get dope, VIP about work, don't think about shit, don't drink just two shots, drink about six, it's a party baby, get that right, a lot of ladies in the house tonight, I'm fucking drunk and the music is tight, it's the nuts and we at it again, fuck the shit out of you and your friends, better believe it cause the fun never ends, you know a live nigga never pretends, never cry about the money he spends, vacation mommy let that go, whatever happens here staying here, ain't that so, you sexy. better let that show. Come over here and light that dro. About love, we can make that slow. You got a bottle with Chris, throw it up, throw it up. You got a bottle with Mo, throw it up, throw it up. You got a bottle with Chris, throw it up, throw it up. You got a bottle with Mo, throw it up, throw it up. Let's get dope, get dope. VIP in the disco, disco. What you thinking on Chris Mo, Chris Mo. Light it up and get twisto, twisto. Everybody, let's get dope. Everyone's high in here, beating us as pioneers. Masters of the ceremony, taking it there. Look at me, I'm a monster, y'all created. You met me once, now we related. You going round town saying Sykes, my cousin. You bitches see me on TV and scream, that's my husband. You want me to go down, down like Nelly. But the dugout smelly, so give me head and get the smell out the telly. Get the smell out of here. Go, go, go, go, go, go. Everybody, let's get dope. La ville pollue la rue, mais qu'ils soient maudits, on nous la mise dans le cul. Et à leurs yeux, on est inexistant. chance d'un pull focus à la mairie et même chez l'assistante. D'autant qu'à faire, on tente de tout détruire sur le passage des braquages de box pour aboutir à nos mirages. Y'a trop la rage, même dans nos yeux, ça se voit. Vivement qu'on tourne la page pour laisser les cons sans voix. Mais je parle pas pour moi, on est des millions dans ce cas qui enculent l'État. Puis à promettre pire halal, et alors saga. Saga. Rose la pêche. Oh, je voulais écrire un petit freestyle, un truc qui dit qu'arrête de râler, qui s'explique en restant musical et calé. Allez, une semaine que je me la suis pas collé. Ma mère y croit encore pour la 10e fois de l'année. Mon petit frère me fait penser à l'aîné. On ne dit pas ce DJ, juste oublié de penser à MN. En rejet, j'ai tellement craché qu'on m'appelle le G. Ouais. On a notre route à prendre et les doutes fallait les rendre. Au lieu de râler, un jour ou l'autre, la soupe faudra bien la vallée. Je me débrouille entre quelques chèques que je touche, quelques couilles que je check, quelques flèches que je tire pour tirer quelques snakes. Non, pêche, je pêche comme un breton, c'est pas juste, je reconnais. J'en déche sans cacher le cri, je leur mets un coup de bluff chamaniste. Je suis un abache sans vallée, je construis mon terrain de jeu dans la street sans vallée. À des vallées dans un quartier mélancholiste. Mes potes viennent me parler. Parfois j'ai les yeux qui pétillent. Parfois j'autant d'espoir pour en avoir. Ce bœuf dans mes frites. Qu'on se soit croisé, froissé, on s'est apprivoisé. J'espère de l'ardoise au foyer de ma première taf à ma dernière bégère. Pour m'éraser, décrasser au star douche à la torche d'eau. Mais la scar, mes torse corse, bombé comme des corbeaux. J'ai fait un bout de route, un bout de fer dans le cœur. Ma mère n'approuve pas, donc n'ouvre pas. Allez, du 4 en haut. On avait dit pas de refrain, hein. Pas de refrain, pas de foutu de putain de refrain, hein. Je voulais écrire un petit freestyle, un truc tranquille qui arrête de se frapper, qui s'étripe avec des écrits démasqués. Un conseil crack Photoshop, et je vais te marquer. J'écris une punch tous les quarts d'heure, plus douce c'est l'époque où j'ai mis des Eminem que Raymond Baker. Je ramène les rappeurs, amène ton cœur du limon en liqueur. Va boire un peu, on y peut rien, j'ai aussi soif que peur. Je prends tant de baffes que d'heures, un jour j'arrêterai pour consacrer enfin toute mon art à l'ardeur. Si on me le rend le bien, j'ai fait du rap un peu salement, j'ai fait du rap un peu saoulé. J'ai rappé, j'ai soulevé, j'ai pris le rap comme un calmant. Pour ceux qui ont des crocs de caïman, mes caïman là, le polo jaune a sorti à la maille de mes dents. Je suis aussi old school que mes bancs. Tu apprécies ce que tu, j'ai fumé le seum en faisant ce que tu écoutes là, tu me dis que ça tue. Tu me dis le faux, tu l'as, l'instru, tu l'as tu. Plus je vais vite, plus ta voix muet s'excite. C'est dangereux quand je perds. Après je gagne dessus, t'es sans podcast. J'ai fait un bout de route, un bout de fer dans le cœur. Ma mère n'approuve pas, donc n'ouvre pas. Allez, éducateur. Sous la porte, le directeur n'avait reconnu que mes chaussures de punk. Je faisais l'amour où je roulais un bambou de skunk. Le cercle maïdique. Je me prends pour un homme. À cette époque, le directeur, je crois que je lui pétais les rectums. Où sont passés les vrais rebelles dans mes oreilles, ces mêmes disques. Parfois, j'ai l'impression que le rap français s'est fait la belle en 2010. Tu veux faire quoi? T'es dans la sphère, ça sert à quoi de battre le fer? Je préfère du bois pour faire un air bloqué en bas, je reste vénère, je balance des vannes, j'ouvre la vanne de ma colère. Il me faut un van sans mon carter. Comme à la naissance de l'anarchie, j'ai inhalé beaucoup de verre. Quant à la négligence d'aller au marché, j'ai donc pu nailler dans la maître. Rester en pyjama une semaine, rester habité par la fête, tester mes limites et fait tâter quelques. Le goût des soucis dans la bouche, les sous qui se dissout dans le ponche. Des fois je me décide à ce soir me descendre comme un suicide. Boy, je me suis de clope la gorge, finis mes poches de drogue jusqu'à ce que mon état soit critique. On s'enclenter comme des goy, je prends mon temps. Le reste du rhum m'attend encore, j'en veux encore pour arrêter les larmes qui refont leur chemin. Je me rencarde avec mes ratés dans l'espoir de réussir enfin. On se brancarde comme des tarés pour assouvir notre faim. Pour mes micanos qui ricanent, les mécanos, les Picasso, les Picassiettes, les Boratino de la Brinks. Tout le monde dans ma vago, on est tranquille, on peut monter à 11. Si on compte les 8-6, on peut monter qu'à 10. Et pour mes ritanos qui ricanent, les mécanos, les Picasso, les Picassiettes, les Boratino de la Brinks. Tout le monde dans ma vago, on est tranquille, on peut monter à 11. Si on compte les 8-6, on peut monter qu'à 10. J'attends le déclic, quoi j'espère avant le déclin. Ma vie me dicte mes vers, j'ai quasiment rien à faire. En fin de compte, mes yeux toujours la même fin, les mêmes reins qui grondent. Le teint qui varie, jade des jaunis suivant l'ombre dans lequel je tapis, je dis trop souvent tant pis et tombe. nuit, j'ai pris des pierres et j'ai sondé chez l'homme le pire. J'attends de passer du déni à l'acceptation de mon délire. Assez de dommages, j'ai l'euro en marge, mais je porte mes roues en marge. L'effet domino sur les démunis par les dénommés. Je me suis immunisé de leur dominance assumée. Construit plus concis, un contre-modèle artistique. Continuer sans consigne après que les derniers trains soient partis. Personne en aparté, non, je m'en fous des bons parties. Chaque sonne avec ma bouche, mais pas tout au fond d'un parking. Hey. Pour Meritano, Chiricano, les Mécano, les Picasso, les Picassettes, les Baratino de la Brinks. Tout le monde dans ma vago, on est tranquille, on peut monter à 11. Si on compte les 8-6, on peut monter qu'à 10. Pour Meritano, Chiricano, les Mécano, les Picasso, les Picassettes, les Baratino de la Brinks. Tout le monde dans ma vago, on est tranquille, on peut monter à 11. Si on compte les 8-6, on peut monter qu'à 10. J'attends. Tu veux faire quoi? T'es dans la sphère, ça sert à quoi de battre le fer? Je préfère du bois pour faire un air bloqué en bas, je reste vénère, je balance des vannes, j'ouvre la vanne de ma colère. Il me faut un van, je suis vanné sans mon carter, l'aîné de mes galères, comme à la naissance de l'anarchie. J'ai inhalé beaucoup de fer quant à la négligence d'aller au marché. J'ai donc pinaillé dans la mètre, reste en pyjama une semaine, testé mieux. Bonsoir à tous et toutes, vous êtes bien dans l'émission Au fond près du radiateur. Donc on vient de s'écouter un peu de musique en attendant un coup de fil d'une camarade de Toulouse qui va nous parler du festival Autodéfense Populaire. Robinson, déjà, c'est quoi le premier son que tu as passé? On va faire un peu, on va vous dire c'est quoi les sons qu'on a passés. Le tout premier son que tu avais passé, c'était quoi? Là, okay, en tout cas, on vient de s'écouter Alex Grenier, Olé Olé. Ok, on avait écouté aussi... Et puis, pour le premier son, vous savez quoi? Vous avez l'archive qui va tomber dans quelques jours. Et on marquera tout ça. Ah, on va le shazamer alors. Et du coup, le deuxième son, c'était un son de Mauvaise Langue. Donc, il y a L.I.M. et Bullock. C'était voilà, un groupe du 92 qui s'appelait C'est Saga. Et ensuite, on a eu Costa qui nous a fait un freestyle et tout. C'était quoi le son que tu nous as fait? Comment il s'appelle? Il s'appelle Dans la Sphère. Okay. C'est un freestyle que j'ai écrit il y a 4 jours et dont je ne connaissais pas par cœur. J'ai oublié le texte et comme j'ai un peu fumé, je suis désolé, j'ai un peu perdu le fil. Bah, c'est cool, en tout cas, que tu nous aies fait ça en direct. La question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver je crois que tu as une Facebook ou un truc comme ça. Ouais, alors c'est pas une phase de book, hein, c'est un Facebook. Mais Costa... Non, parce qu'il a dit une Facebook, bref. Pardon. Bref. Pardon. Et donc en fait, c'est Costa, COSTA, espace Le Boucher avec un Z à la fin. Et donc ça, c'est mon truc. Oui, Le Boucher. Avec voilà. Un Z au bout. Avec un Z au bout. Non, c'est pour le côté, voilà. C'est mon Facebook personnel. Hein, c'est pour, voilà. C'est le... et puis il y a un prochain clip qui sort certainement bientôt. Je pense que d'ici une petite semaine, où dessus, je serai sur le vélo de Mouloud, donc, que j'aurai recustomisé avec des t-shirts. Donc voilà, officiellement, je te demande, est-ce que c'est possible que tu me prêtes ton vélo pour jeudi, Mouloud? Merci, Mouloud. Ok, ben Robinson, c'était un autre son à nous passer et tout. On Merci attend l'appel de Zoé de Toulouse. Ah, j'ai pas de santé. Vous êtes bien sûr aux fréquences Paris Pluriel 106.3 FM, il est 20h07 très exactement et tout de suite on a Zoé de Toulouse qui est au téléphone avec nous. Zoé, est-ce que tu nous entends bien? Oui, je vous entends. Ben, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc on est content de t'avoir au téléphone parce qu'on voulait parler avec toi du festival Autodéfense Populaire qui se tient cette semaine à Toulouse. Et toi, ouais. Tu participes à l'organisation, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le festival Autodéfense Populaire? Ben ouais, donc c'est un festival là qui a lieu depuis samedi dernier, donc c'est du 14 au 22 avril, et ça se passe à l'Université du Mirail qui est occupée depuis 2 mois. par les étudiants. Et donc, du coup, nous, on a été invités par les étudiants là, pour occuper d'autres, un autre espace dans le bâtiment qu'ils occupent. Et donc, depuis samedi, il y a plein d'ateliers qui ont lieu, plein de discussions, plein de projections autour de ces questions d'autodéfense populaire. Donc, l'idée, c'est plutôt de se rencontrer autour de nos outils pour lutter contre différents types d'oppression et d'attaques, qu'elles viennent de l'État, de la répression policière. Enfin, il y a plusieurs, plein de sujets et plein de thématiques qui sont abordées. Après, je peux vous raconter un peu l'histoire de ce festival. C'est la deuxième édition. Donc, la première, elle a eu lieu il y a 2 ans. Et ça avait été initié surtout par le collectif de la Créa. Donc, la campagne de réquisition et d'entraide et d'autogestion. Donc, qui est un collectif surtout qui aide et, sur l'ouverture de squats. Et ensuite, qui met en place un peu des réseaux de solidarité, comme ça, que ça soit juridique, administratif, aussi sur les récup de bouffe entre les différentes maisons, les différents squats qui sont ouverts. Donc ça, c'était il y a 2 ans, ça s'était passé dans le centre social de Toulouse de l'époque. Et cette année, il y a eu un peu l'envie de refaire quelque chose qui ressemblait à ce festival. Mais un peu la différence, là, c'est qu'on est plein de personnes de plein de collectifs différents à la base du festival. Et avec cette envie vraiment de partir de nos expériences et des collectifs un peu de chacun chacune et de se rencontrer autour de ça, quoi. Donc voilà un peu ce que je peux en dire. Donc ouais, c'était il y a 2 ans, en 2016, donc c'était la première édition du festival qui était organisée par donc un réseau de solidarité qui s'appelle la CREA. Donc je pense qu'on peut dire 2 mots sur qu'est-ce que c'est la CREA. Donc la CREA, ça veut dire campagne pour la réquisition, l'entraide et l'autogestion. C'est un mouvement qui existe à Toulouse depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux nous dire un mot ou deux sur la CREA? Et ouais, bah c'est un peu là ce que j'ai dit. C'est vraiment, c'était à l'époque, je sais pas vraiment le début, mais il y a 6 ans, c'était vraiment campagne parce que c'était l'idée vraiment d'ouvrir plein de squats et pour des personnes qui n'auraient pas les moyens d'avoir de logement, donc beaucoup de personnes. Et aussi, c'était pas mal axé sur les familles et les enfants. L'idée de dire en fait, c'est pas possible qu'il y ait des enfants à la rue. Donc c'est vraiment un collectif, une campagne qui a réuni beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup d'ouvertures de squats sur Toulouse à cette époque-là. Avec aussi un peu les premiers centres sociaux où l'idée, il y avait vraiment d'un côté des personnes qui habitaient, qui pouvaient être donc soit des familles, soit des militants, soit des personnes précaires, quelles qu'elles soient, et des centres sociaux, du coup, avec une partie plus activité, voilà, qui allait d'ateliers de boxe à des ateliers de français, d'autodéfense juridique. Il y avait plusieurs ateliers qui étaient en place, plusieurs activités. Ça a un peu perduré dans le temps. Donc, à Toulouse, il y a quand même toujours eu, d'année en année, des centres sociaux. Là, actuellement, la CREA, on peut dire qu'en termes de nombre de personnes, elle est moins forte, mais elle est encore là. Il y a toujours des ouvertures de squats. Il y a toujours des centres sociaux sur Toulouse qui sont quand même toujours initiés jusqu'à maintenant par ce collectif de la CREA. Et voilà, mais après cette année, j'ai un peu l'envie aussi des gens de la CREA, parce que le festival, il est aussi parti de personnes qui avaient de la CREA, qui avaient vécu donc en squat, en centre sociaux, et de gens de Ivry, de Montreuil et de Saint-Denis, notamment de la Tchéquée. Il y avait cette envie d'échanger autour de nos pratiques en vie collective et dans les centres sociaux, de se retrouver pour parler de ce qui fonctionne, mais aussi de ce qui fonctionne pas, des limites, des difficultés parfois qu'on peut avoir. Donc c'est parti de ça. Du coup, il y a jeudi, normalement, la thématique, elle est sur plutôt la vie en squat et les dynamiques dans les centres sociaux. Mais à partir de ça, en fait, c'est greffé plein de gens qui ont voulu parler de trucs différents. Donc aujourd'hui, voilà, on avait des rencontres autour des luttes antinucléaires. On avait une discussion sur l'acquisition du foncier en collectif. Une discussion sur les luttes dans les villes. Enfin, du coup, on avait une discussion sur la mutuelle TPG. La mutuelle transpédéguine, donc du coup qui mutualise de l'argent pour les personnes précaires. Donc ça croise plein de trucs. Après nous voilà, on a essayé de croiser plein de thématiques du féminisme aux questions de racisme, aux questions voilà de logement, de mobilisation contre les violences policières. Voilà un peu. Après je peux aussi tout l'argent, la base aussi de ce festival. C'est aussi de faire un peu d'argent pour des caisses de soutien, donc qui sont des caisses collectives. Euh, Donc il y a des caisses, par exemple, de la caisse du planning familial pour financer des IVG hors délai, la caisse de la Créa, la caisse de autonomie, qui est le collectif qui soutient les mineurs isolés, qui ont aussi un squat à Toulouse en ce moment, le collectif comité, le comité vérité et justice 31, qui contre les violences policières, notamment dans les quartiers, la mutuelle TPG. Voilà, ça c'est toutes les l'argent, elles sont reversées à ces différentes caisses, la CAGE aussi. La CAGE, c'est la une caisse de soutien quand on est victime des violences et qu'on doit c'est une caisse d'autodéfense juridique quoi, de, pour avoir du fric pour payer les avocats. Et donc quand on dit autodéfense populaire, donc voilà, on comprend le principe, c'est-à-dire que en dehors des institutions, que ce soit de l'État ou des mairies, qui sont souvent défaillantes ou surchargées, ou alors qui vont exclure des gens ou faire mettre des gens dans la galère, on essaie de s'organiser par nous-mêmes et de que ce soit sur différents sujets, que ce soit le logement, que ce soit comme tu as dit, les questions de précarité ou les questions de violence faite aux femmes ou de féminisme, où on essaie de s'organiser par nous-mêmes et de se fédérer tous ensemble pour agir par nous-mêmes et pas attendre des institutions une solution qui vient rarement, quoi. Voilà, ouais. Le festival, il dure jusqu'à dimanche, il me semble, c'est ça ? Ouais, le festival, c'est jusqu'à dimanche. Et après, juste pour préciser un peu ce que tu dis, voilà, l'idée, c'est ça, mais c'est aussi de ce qu'on défend aussi, c'est que en créant nos propres outils, et ben aussi de pas reproduire un système d'oppression qui existe. Donc c'est aussi se donner de la force entre nous, et aussi là, l'idée de réfléchir autour de ouais, comment on reproduit pas aussi différents types d'oppression. Mais après, ce terme de défense populaire, nous, on l'a réutilisé parce qu'en fait, il y avait déjà eu un premier festival que pour certaines personnes, quand on utilise ce terme, on voit globalement de quoi on parle. Après, c'est aussi un terme qui peut se redéfinir, qui est très large et qui pourrait aussi, on pourrait trouver d'autres mots aussi pour parler de nos organisations et le fait de défendre aussi des organisations qui sont horizontales et qui sont dans des logiques autogestionnaires, quoi. Et ça, en général, c'est pas le cas des institutions, donc c'est aussi mettre en place des choses qui politiquement nous ressemblent. D'accord, et du coup, cette année, le festival, comme tu disais, va se tenir essentiellement à la fac du Mirail, qui est occupée depuis 2 mois par le mouvement étudiant. Et je ne sais pas si toi, tu y participes un peu, si tu peux nous parler un peu du contexte à Toulouse. Pour commencer, qu'est-ce qui se passe à la fac du Mirail ? Ouais, alors moi, sur la fac, je ne pourrais pas en dire beaucoup, à part que ça s'inscrit dans un peu là, le mouvement global des universités un peu nationales. Le Mirail s'est occupé depuis un bout. Je crois qu'ils occupent la fac depuis Noël. En tout cas, cette partie du bâtiment qui s'appelle l'Arche, qui est à l'entrée du Mirail. Et après, pendant un mois et demi, il n'y avait que cette partie qui était occupée. Il y avait certains jours, la fac était bloquée. Et là, je crois que depuis un mois, la fac, elle a été entièrement bloquée. Ça a été revoté à chaque fois en AG. Après, globalement, ces 10 jours d'autodéfense, ils font sens par rapport aussi au climat de violence policière et de répression qu'on vit actuellement. Que ça soit sur la ZAD ou ici, là, à Toulouse, il y a un jeune qui est mort là dans une prison à Fresnes avant-hier. Du coup, il y a eu des émeutes et des révoltes dans les quartiers à côté, donc les quartiers de la Rainerie. Et il y a eu 18 interpellations hier soir et arrestations avec des gens qui vont passer en comparution immédiate. Donc, on essaye aussi de réfléchir dans ce contexte-là et essayer de faire aussi du va-et-vient entre un peu ce qu'on échange et peut-être nos modes d'action et d'organisation, quoi. Justement, je veux bien qu'on revienne un peu là-dessus. Sur dans les journaux, on a entendu parler des émeutes à la Rainerie, mais si on peut rappeler un peu le contexte, déjà le fait qu'il y a un détenu qui a été retrouvé pendu avec un drap dans sa cellule, et les proches et les amis pensent que c'est un assassinat, quoi, que c'est un assassinat de la part des matons ou quoi, de l'administration pénitentiaire. Et si tu peux revenir un peu sur ce qui a déclenché ces révoltes, quoi, à la Rainerie. Après, nous, ici, il y a une équipe aussi d'automédia, donc on est qui couvre tout le festival. Du coup, il y a des gens qui sont allés un peu essayer de rencontrer les gens de la Rainerie et de discuter. Il y a aussi le comité donc Vérité et Justice, qui est un comité de soutien par rapport aux violences policières, qui en parleront sûrement mieux que moi. Après, moi, nous, ce que je peux dire et ce qui se sait, c'est oui, enfin, c'est que là, on parle plus d'un crime et pas d'un suicide. Et que du coup, avant-hier, il y a eu, je crois, 300 personnes qui ont plutôt commencé à faire des barricades sur les quartiers et qui ont fait reculer la police. Donc, c'était aussi un peu une victoire sur la première soirée. Et hier, la police a un peu déployé des forces pour mater un peu cette révolte, quoi. Et donc, la répression a été super violente encore une fois hier soir, quoi. Il y a aussi des personnes proches aussi de nous qui ont été arrêtées. Donc on est aussi sur comment là on s'organise aussi sur l'autodéfense juridique, quoi. Mais je pourrais pas en dire vraiment beaucoup plus là. D'accord. Donc juste pour rappeler que le Mirail et la Rainerie, donc c'est des quartiers populaires de Toulouse. Ouais. Donc voilà, nous, ça nous paraissait important de parler de ça, dans le sens où on a vu les violences des CRS contre les étudiants, notamment à la fac de Nanterre, et toutes les réactions indignées qu'il y a pu y avoir du fait qu'on tabasse des étudiants. Mais il faut dire que, malheureusement, c'est le lot quotidien de nombreux habitants des quartiers populaires, de cette omniprésence policière ou de cette répression qui est vécue plus au quotidien et pas ponctuellement. Enfin, les violences policières, la répression, c'est vraiment et la prison, c'est vraiment le quotidien pour ces personnes. Et là, c'est aussi un peu un ras-le-bol qui s'exprime. Et nous, on peut témoigner. On essaye aussi de témoigner aussi notre solidarité avec ces révoltes. Mais je crois qu'il y a une des choses qui est en récurrence dans toute une série de quartiers populaires, banlieues, lieux qu'on stigmatise, c'est la répression policière. Et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui dans les facs où, en fin de compte, ça devient un peu délirant. C'est des AG démocratiques où les gens sont en train de penser comment on peut faire des choses ou pas. Et d'un seul coup, les CRS arrivent avec un degré de violence, et on le voit sur les vidéos. Mais là, si on insiste sur le fait que c'est un lot quotidien aujourd'hui, c'est aussi ça la réalité de la société française, quoi. Nous, ça nous rappelle aussi à ça, et aussi comment on fait des ponts, moi, je trouve que c'est aussi ça de prendre conscience que on a envie des oppressions, on s'organise, et mais c'est clair que là, sur les quartiers, l'oppression quotidienne, et cette violence policière, elle est quotidienne. Et sur de l'autodéfense, pour le coup, aussi que ces personnes, elles savent se défendre et qu'elles sont aussi très organisées, et que la première émeute d'avant-hier, elle était organisée, et que clairement aussi, ils ont réussi à faire reculer les keufs sur ce premier soir. Donc ça questionne aussi sur les modes d'action, et nous, ça nous a aussi questionné de comment on se place aussi par rapport à ça, comment on est soutien, et en même temps le notre vécu, c'est pas le même que ces personnes, et ça vient questionner aussi tout ça, quoi. Mais c'est ça qui nous semble intéressant avec ce festival-là, c'est d'essayer de dépasser les barrières qu'il peut y avoir entre les groupes sociaux ou ceux qu'on appelle les militants, entre guillemets, notamment dans les centres sociaux qui ont pu ouvrir soit à Toulouse, soit à Ivry, soit à Saint-Denis, soit dans d'autres villes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des liens qui se créent entre différentes populations qui ne se rencontreraient pas... qui se rencontreraient pas dans d'autres cadres. C'est pas sans poser des questions en termes de qui est-ce qui va prendre de la place dans le collectif, qui risque de prendre la place d'autres personnes dans le collectif, ou en tout cas de prendre un rôle décisionnel dans le collectif, de décider à la place des gens. Donc comment tu fais pour que tout le monde parle avec un pied d'égalité et le même pouvoir dans les collectifs qu'on essaie de créer pour aller vers l'émancipation, quoi, si on emploie des grands mots. En tout cas, on trouve ça très beau, et on trouvait vachement important de vous donner la parole, quoi. C'est vraiment des questions qui nous ont traversé et tout. Après, ce qui se passe dans les centres sociaux, dans les squats, il y a un peu, des fois, c'est possible et ces tentatives vraiment de se mélanger et effectivement les en vivre en squat et en, dans un centre social, enfin ça te met tu vis avec des gens avec lesquels tu aurais sûrement pas pris une coloc par exemple. Après là dans ce festival on est vraiment parti quand même de nous, on tient aussi à dire parce que peut-être c'est une des limites, on est vraiment parti de nos expériences en tant que militant, ce qui fait que c'est un festival où il y a beaucoup de temps. Parce que ouais, parce qu'on parle de ce qu'on construit aussi au jour le jour et qu'en fait ces liens aussi des fois justement avec les quartiers populaires et tout, bah ils sont pas évidents et faut pas non plus enfin on sait que c'est aussi une limite quoi et que des contextes là comme comme ce qui se passe actuellement à Toulouse, bah ça nous pousse aussi à nous questionner sur ça. Et après voilà, il y a des collectifs qui sont beaucoup plus proches aussi de ce qui se passe sur les quartiers. Et mais bon, après voilà, c'est un truc qui se travaille et qui se questionne. Mais nous, en tout cas, des limites qu'on a aussi vues à ce festival quand on l'a construit aussi, c'est de se dire bon là en fait on va être que entre personnes concernées par ce type d'organisation. À part après le midi, il y a des personnes de squat qui viennent cuisiner aussi pour et l'argent est filé à ces personnes-là. Donc il y avait aussi cette volonté par aussi d'autres biais de faire venir les gens là qui sont en squat et voilà, essayer aussi que ça se croise un peu et de faire venir des gens qui n'ont pas toujours l'habitude. Mais ça reste une question voilà qui est pas facile quoi. Comment faire venir des gens dans ces espaces qui sont quand même militants et qui ont leur code et voilà. Ok, ben merci beaucoup Zoé de nous avoir appelé pour nous parler du festival. Je sais pas si tu veux rappeler un peu ce qui est prévu les prochains jours là-bas, quoi. Ouais, ben ce soir on a la projection de ATK All Star. Demain, on a justement un après-midi aussi pour les enfants qui sont en squat, donc il y a une projection pour les enfants. Et il y a aussi un atelier de boxe, un atelier d'autodéfense numérique. Il y a une écoute en non-mixité pour les personnes racisées d'un reportage sur le festival afroféministe Yann Sapo. Bon, voilà, il y a plein de trucs. Il y a un tatou circus aussi qui va être en place. Des ateliers rap, des ateliers de réflexion aussi sur le consentement. Voilà, il y a plein de trucs qui vont se passer. Il y a une pièce de théâtre jeudi soir qui aura lieu et des concerts samedi, vendredi et samedi. Voilà, donc il y a plein de trucs qui se passent. Il y a aussi le dimanche après-midi, il y a le cinéma voyageur qui vient aussi faire des projections. Donc voilà, donc ça va plutôt être chouette. Après voilà, c'est toujours dans ce climat aussi tendu et de quand même de violence quoi. Mais en même temps, on se dit que c'est chouette de pouvoir se réunir ici, se donner aussi de la force ensemble et se rencontrer aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent de plein d'endroits là en France. Voilà. Merci beaucoup Zoé. Je sais pas si tu as une dernière chose à rajouter, un message à faire passer ou quoi. Non, nous, pour la région parisienne. Que ça a été pas facile pour beaucoup d'entre nous aussi d'être ici en sachant ce qui se passait sur la ZAD, mais voilà, on a aussi voulu maintenir le festival et mais voilà, de rester qu'on pense aussi aux gens qui sont là-bas. Ok, de la force et ouais. À bientôt sûrement sur Toulouse ou quoi. Et on te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, général. Vous aussi. Merci, salut Zoé. Ciao. Bonne soirée. Ok, donc voilà l'émission Au fond près du radiateur, ça se termine pour ce soir. On se retrouve mardi prochain de 19h à 20h30. Tout de suite sur la même antenne Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, vous allez retrouver l'émission Dooboot. Et on va terminer, si vous avez des dédicaces à faire passer ou quoi, des coucous ou quoi. Coucou, c'est à Rosa, voilà, et Yann sera de quoi je parle, voilà. Yano, notre camarade d'accompagnement depuis des années et des années, voilà, on le salue bien haut et bien bas, voilà. Et puis un dédicace à tous nos invités, voilà, je ne vais pas les citer, Alexis, je ne sais pas trop quoi, et Costa, et puis le guitariste, etc., etc. On vous embrasse tous. Et puis en grève générale, surtout, il faut lutter, et puis vive FPP. Ouais, un dernier mot à rajouter. Donc, merci Mouloud. Aujourd'hui, la réforme ferroviaire a été votée à une ultra-majorité par les députés, au mépris du mouvement de la grève des cheminots qui se passe en ce moment. C'est pour dire, voilà, le combat n'est pas fini. Par exemple, en 2006, le CPE, qui était un contrat ultra précaire qu'on voulait mettre en place pour la jeunesse, a été retiré alors qu'il a été voté par l'Assemblée Générale. Donc voilà, il n'y a que l'action de nous-mêmes, pour nous-mêmes, qui les fera plier. Et voilà, on continuera à vous donner la parole sur cette antenne. Vous pouvez nous suivre sur Facebook aussi, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, au fond près du radiateur. Et si vous avez envie d'intervenir sur cette antenne, c'est ouvert. Et on sera très heureux de relayer des messages ou quoi. Pareil, vous pouvez nous contacter sur notre page ou à l'adresse mail au fond près du radiateur @no-log.org. Et dédicace à Sébastien qui était là, voilà. Ben, merci beaucoup. Vas-y, Kossar. Merci, Raphaël. Et Robinson. Et, ouais, merci voilà. À Robinson à la technique. Bye, ciao et à vous. À mardi prochain. Nous pito ferme des jeux, des petites pas nous pas tous les mes amis. Haïti moi, oh oh. Sans moi c'est libre. Dim qui s'en voit le faire. Zoporo, zoporo, zoporo, zoporo.